FrenchPod.com. Bon sang, je n'y arriverai jamais. Elle est trop longue, cette étape. Courage, il n'y a plus que 10 kilomètres. Oui, mais en montagne, ça veut dire plus d'une heure. Je n'en peux plus. Tu ne vas pas abandonner. Pense à tous les efforts que tu as déjà fournis pour être ici. Justement, ça me déprime, c'est trop. Écoute, j'ai vécu la même situation que toi l'année dernière, après avoir fait une chute. Et alors, tu as continué? Oui, jusqu'au bout. Oh, ok. Je vais tout donner, ça va aller. Attention, devant toi, le clou. Oh, cette fois j'arrête.